Trudel. Thank you. Could play this riff, bass riff. I try, yeah. Follow you. Comme ça, toi. Je sais pas comment tu sens, mon ami. pas comment tu... Ok, ok. C'était comme on avait dit, un coin de paradis. Are you ready? Kenzo.